Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, cette fois-ci, le Blues Covers spécial du pop-rock dans le blues sera consacré à des groupes belges, presque entièrement consacrés à la Belgique. On commence tout de suite avec Froid Bees, un magnifique album paru en 1999, Freezing to the Bone, avec deux reprises de Bob Dylan. Je vous propose tout d'abord California, Froid Bees. Froid Bees, c'était un trio à l'époque, fin des années 1990, début des années 2000, avec Jean-Pierre Froid Bees à la guitare et au chant, Jack Tison à la basse et Marc Descamps à la batterie. Je les avais découverts au Festival Blues sur Seine au début des années 2000, je ne sais plus si c'était 2001 ou 2002. On avait sympathisé. Froid Bees, après, a fait pas mal de compos en français, un album génial qui s'appelle Erotico Mobile. Et puis après, je l'ai un peu perdu de vue. Alors revenons à ce premier album de 1999, Freezing to the Bone, et après California, voici l'autre reprise de Bob Dylan, ça c'est un titre beaucoup plus connu, I Shall Be Released, Froid Bise. See, every man must need protection. See, every man must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west unto the east. Any day now, any day now, I shall be released. Yonder stands with me in this lonely crowd. A man who swears he's not to blame. All day long I hear him shout so loud, crying out that he's been framed. I see my light come shining from the west unto the east. Any day now, any day now, I shall be released. I see my light come shining. Préciser, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'avaient reconnu, c'était Beverly Joe Scott qui chantait avec Froid Bise dans cette magnifique reprise « I Shall Be Released ». Et maintenant, ce sont les Wild Ones, mais je n'ai pas trouvé d'infos très actuelles sur ce groupe que je suppose défunt. En effet, l'album dont je vais vous parler est paru en 1986, puis a été réédité en 2017, mais les deux derniers disques officiels ont été publiés en Norvège. Alors voilà, je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus. En tout cas, The Wild One vont vous interpréter une chanson de l'iguane, c'est-à-dire Iggy Pop, Lust for Life, The Wild Ones, yeah. On va conclure cette séquence belge, mais pas l'émission, car ensuite il y aura une petite surprise. The Ragged Roses, les roses en lambeaux, je suppose que c'est ça la traduction. Ce groupe belge très dynamique, un petit peu rockabilly, un petit peu comme The Wild Ones d'ailleurs, est emmené par la chanteuse Katrien van Prooyen. Et sur cet album intitulé « Do Me Right » paru en 2021, il y a une reprise d'un énorme tube des années 60, « Runaway » par Del Shannon. Voici donc « The Ragged Roses ». We'll be right back. strong. And as I still walk on, I think of things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. Well, I wonder why I wonder why you ran away. And I wonder, will you say, my little runaway, run, run, run, run, run, run away. Terminer en apothéose cette émission, une fois n'est pas coutume, d'ailleurs je crois bien que c'est la toute première fois que je vous propose un groupe anglais qui reprend, adapte, un titre français. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, vous me direz? Eh bien, c'est le groupe The Byrds. Mais attention, The Byrds, B-I-R-D-S. Et non pas Byrds avec un Y, qui est un groupe américain. Donc je reviens à l'Angleterre. The Byrds était emmené par un certain Ron Wood. Et oui, le guitariste qui après a fait partie des Faces et ensuite des Rolling Stones. Oui, mesdames, messieurs, c'était, je pense, son premier groupe officiel, hein, professionnel. Donc The Byrds a publié un magnifique EP 45 tours en 66, qui est très recherché des collectionneurs d'ailleurs. Et ce n'est pas sur ce disque qu'est cette petite merveille que vous allez entendre dans quelques secondes. Oui, oui, attendez encore un petit peu. C'est sur une compilation qui s'appelle The Collector's Guide to Rare British Byrds. Ouf, ça c'est du titre. Et c'est La poupée qui fait nom de Michel Polnareff. Oui, mesdames, messieurs, ils reprennent ce titre en anglais, Good Times. C'est quand même un document. Voici The Byrds. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Hey, should we take one? La poupée qui fait nom. Fuck off. She says no, no, no, no. I give her my heart. She says no, no, no, no. 'Cause you're only a friend to me. Only a brother to me. Ask her to walk with me. She shakes her head at me. She's a pretty little doll who says no, no, no, no. All the that time through she says no, no, no. Ask her to walk with me. Why can't she ever say C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo. voix.